Ah, malédiction! L'enragé, le scélérat corsaire de Figaro. Là, peut-on sortir un moment de chez soi sans être sûr en rentrant? Qui donc vous met si fort en colère, monsieur? Ce damné barbier qui vient décloper toute ma maison en un tournemain. Il donne un narcotique à l'éveillé, un sternutatoire à la jeunesse. Il saigne aux pieds Marceline, il n'y a pas jusqu'à ma mule. Sur les yeux d'une pauvre bête aveugle, un cataplasme. Parce qu'il ne doit 100 écus, il se presse de faire des mémoires. Ah, qui les apporte? Et personne à l'antichambre. On arrive à cet appartement comme à la place d'armes. Et qui peut y pénétrer que vous, monsieur? J'aime mieux craindre sans sujet que de m'exposer sans précaution. Tout est plein de gens entreprenants, d'audacieux. N'a-t-on pas ce matin encore ramassé lestement votre chanson pendant que j'allais la chercher? Oh, je... C'est bien mettre à plaisir de l'importance à tout. Le vent peut avoir éloigné ce papier. Le premier venu, que sais-je? Le vent, le premier venu. Il n'y a point de vent, madame, point de premier venu dans le monde. Et c'est toujours quelqu'un, posté là exprès, qui ramassait les papiers, qu'une femme a l'air de laisser tomber par mégarde. À l'air, monsieur? Oui, madame, à l'air. Oh, le méchant vieillard! Mais tout cela n'arrivera plus, car je vais faire sceller cette grille. Faites mieux. Murez les fenêtres tout d'un coup. D'une prison à un cachot, la différence est si peu de chose. Pour celle qui donne sur la rue, ce ne serait peut-être pas si mal. Ce barbier n'est pas entré chez vous, au moins. Vous donne-t-il aussi de l'inquiétude? Tout comme un autre. Que vos répliques sont honnêtes. Ah, fiez-vous à tout le monde, et vous aurez bientôt à la maison une bonne femme pour vous tromper, de bons amis pour vous la souffler, et de bons valets pour les y aider. Quoi? Vous n'accordez pas même qu'on ait des principes contre la séduction de monsieur Figaro? Qui diable entend quelque chose de la bizarrerie des femmes? Et combien j'en ai vu de ces vertus à principe? Mais monsieur, s'il suffit d'être homme pour nous plaire, pourquoi donc me déplaisez-vous si fort? Pourquoi? Pourquoi? Vous ne répondez pas à ma question sur ce barbier. Eh bien oui, cet homme est entré chez moi. Je l'ai vu, je lui ai parlé. Je ne vous cache même pas que je l'ai trouvé fort aimable. Et puis chez vous en mourir de dépit.